Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est le moment de votre émission de Disco Funk. On démarre sur les chapeaux de roue avec la découverte du jour, Tina Marie et son titre Square Biz, extrait de l'album Iron in the Fire, paru en 1980. La chanteuse, elle est surnommée la reine d'ivoire de la musique soul, rien que ça. Alors elle est engagée en 1976 par Motown Records comme choriste. Elle sort son premier album intitulé Wild and Peaceful en 1979. Rick James, qui venait de refuser de travailler sur un album de Diana Ross parce qu'il ne pouvait le superviser dans son intégralité, compose 4 titres de l'album sur 6, il effectue les arrangements, il chante et il joue aussi d'un grand nombre d'instruments. C'est le début d'une longue collaboration artistique entre Tina Marie et Rick James. Dans une interview datée de 1999, Tina Marie admettra par ailleurs avoir eu une relation amoureuse avec Rick James. Ouh. La chanteuse nous a quittés en 2010 après avoir fait paraître quand même 12 albums. To the latest. Passe aux 100 hits qui ont fait le disco. Chaque année, le 4 mai, c'est le jour des fans de Star Wars et nous allons leur rendre hommage. May the 4th. Quatrième en anglais, May the 4th will be you. Mais que vient faire la science-fiction ici, vous allez me dire, vous allez patienter un petit peu. Alors, en 1977, bien sûr, sort Star Wars et l'impact de ce film est tel que le disco doit s'inspirer du succès. Alors, afin de donner à l'épisode 1 une apparence futuriste, les discothèques vont installer des éclairages et des effets lumineux. Les labels ils vont reprendre les bandes originales, mais en version disco. Et le plus célèbre sera Mecco Monardo. Il a travaillé avec Gloria Gaynor et Carol Douglas. Star Wars Theme est donc l'adaptation disco du thème principal, couplé aussi avec le Cantina Band, le swing joué par des aliens dans le film. Première fois où on voit Yann Solo. Le titre, il va se vendre par millions et Monardo, il va alors lancer une mode. Suivons Le Magicien d'Oz et Superman qui connaîtront, eux, un succès, on va dire, un peu moindre. Je vais vous laisser parce que le Seigneur Vador vient d'arriver. Saget, le festival de toutes les musiques. On va maintenant changer d'album pour les meilleurs albums disco. Après la saga sur Boney M, fin mars, il est temps de s'attarder sur leur premier album. Et leur premier album, Take the Heat Off Me, paru en 1976. La chanson donnant son titre à l'album est une adaptation d'un succès de l'italienne Marcella Bella, qu'elle avait obtenu en 1974 avec Nessuno Me. La chanteuse Gila, qui a fait partie de l'écurie Farian, adaptera la chanson en allemand pour son album. Pour compléter l'album, Frank Farian fait enregistrer au groupe les reprises de Sunny de Bobby Head, de No Woman No Cry de Bob Marley et de la célèbre chanson Fever. C'était en 1976 et ça donnait ça. We'll be right back. pour le maxi. Lost in Music est une chanson du groupe Sister Sledge, parue sur leur album We Are Family. Elle est écrite et produite par Bernard Edwards et Nile Rodgers, du groupe Chic bien sûr. Elle est sortie en tant que troisième single de l'album en avril 1979. C'est l'un des plus grands succès du groupe, ayant atteint notamment la première place du classement disco aux États-Unis et le top 20 en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Un remix de la chanson intitulé Lost in Music, Special 1984 Nile Rodgers Remix, est sorti en août 1984. Et vous savez quoi ? C'est ce morceau-là qu'on va écouter. Pour finir avec la pépite, j'avais envie d'écouter un Village People que j'aime bien. The Woman, extrait de l'album Tracing, paru en 1978, fleur bon le disco. L'album est celui de la consécration avec le légendaire YMCA. En ce samedi, le son de ce titre va certainement vous ravir. Bonne écoute. Since the beginning. Voilà, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.